chanson grâce. Anecdote, j'étais en formation BTS et je l'ai écrit lors d'un cours. Mais ayant déjà passé d'autres diplômes, il y avait des contenus que je sais déjà. Et donc je me faisais assez chier en cours par moment. Et notamment, on avait des intervenants super chiants, quoi. Ton monocorde, mais plat. Donc du coup, je me suis dit. Je me suis lâché, voilà. Okay.